nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvué. On en est rendu à l'émission 410. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un mot un peu pour Gary Warvué, et là, c'est un mot un peu particulier. C'est un mot qu'on emploie surtout au pluriel, en fait. Bon, il existe au singulier, mais c'est surtout au pluriel. Et c'est conscriet. Alors, c'est un mot qui peut-être ne dira rien aux jeunes générations. Sauf ceux qui apprennent les chansons bretons. Sauf ceux qui apprennent à chanter du camp à la discorde, puisqu'il y a des chansons de conscrits. Alors, conscrit, donc, au singulier, c'est conscrit, onscrit. Mais pratiquement, on l'entend jamais au singulier, c'est toujours gonscriet. Alors, comme c'est un pluriel de nom de personne qui ne se termine pas en « ou », il y a une mutation adoucissante après l'article, et on dit « ergonskriet ». Hein. Donc le mot c'est « conscriet » et avec l'article « ergonskriet ». Et comme tu le dis, c'est un mot qu'on trouve surtout aujourd'hui dans les chansons. Et donc il y a dans un peu partout en France, il y avait des chansons de conscrits. Les unes étaient, me souviens, en Vendée, on chantait « c'est nous les cons, c'est nous les cons, c'est nous les conscrits du canton hein. ». Voilà. Et on trouve beaucoup de chansons de conscrits comme ça. Et en Bretagne aussi, il y avait des chansons qui traitent de ça. Alors la conscription, en fait, c'est donc la façon d'enrôler des gens dans l'armée. Donc il y avait une loi à la Révolution qui obligeait chaque citoyen. L'idée, c'était d'obliger chaque citoyen. Et pas les citoyennes, chaque citoyen donc à fournir un service pour la nation. Et donc la première loi, c'était la loi Jourdan hein, en 1798, qui obligeait chaque personne de sexe masculin à faire donc 3 ou 4 ans dans l'armée. Mais en fait, ça, la plupart du temps, ça dépassait largement les possibilités de recrutement. Et donc, on a trouvé des systèmes pour ajuster au mieux le recrutement. Et donc, c'est la loi Gouvion-Saint-Cyr, hein, donc du nom de son rédacteur, en 1818, qui a instauré le système donc qui permettait de compléter l'armée de métier. C'est-à-dire les engagés volontaires, par un tirage au sort. Alors le système du tirage au sort qui a duré tout le 19e siècle avec des hauts et des bas, et donc le tirage au sort, on devait faire... alors il y avait donc un numéro à tirer au hasard, et selon qu'on tirait un bon numéro ou un mauvais, on faisait soit pas du tout, ou alors très peu de services militaires, ça pouvait être 6 mois, 1 an, pour les bons numéros, ou même pas du tout. Et celui qui tirait un mauvais numéro, il faisait 7 ans de service. Donc il y a eu, ça a duré tout le 19e siècle, jusqu'à la loi de 1889 qui a aboli ce système-là. Et donc il y a eu beaucoup de chansons comme ça qui parlent des conscrits, conscrits. Hein. Alors, ce tirage au sort, d'ailleurs. C'est le tirage au sort, oui. Ouais. Tenoderby. Hein. Ce tirage se faisait au mois de janvier. Par exemple, dans la chanson « Les conscrits de Saint-Nicolas ».« Ben peu des warnugen, dit mes amis tiennent quand l'on a mis un mois bien, c'est vol mes me goéler. » Donc le 25 janvier, hein, j'ai eu du mal à me lever parce que bon, j'étais angoissé par la journée qui allait se passer. Quoi. Et alors cette chanson-là, elle est très intéressante parce que elle raconte dans le détail comment ça se passe. Hein. Donc l'arrivée à Saint-Nicolas, « Dindan un do un menglas hein, », donc sous la cohue, les gens qui les accueillent, hein, potre de Liviten, c'est-à-dire les gens à la redingote, gantoso koutrouset, avec leurs chapeaux retroussés, ces fameux chapeaux qu'on voit depuis la période napoléonienne. Et donc, cette chanson, elle raconte comment ça se passe. Hein. Alors, il y avait, selon des endroits, il y avait des petites variantes. Par exemple, normalement, le conseil de révision avait lieu le mois suivant, mais... Donc au mois de février, un peu partout en France, Et là, Saint-Nicolas, tant qu'on tenait les gens, sans doute, on faisait tout dans la foulée, puisqu'il dit, hein, « Mais vite et l'odeur billonne, et tra neuve guare, tienne bébé de revue, dit Waregan Farde. » C'est-à-dire, pour tirer le billet, on ne sait rien, tant qu'il n'y a pas eu la revue hein, des conscrits. Donc, en fait, le conseil de révision avait lieu dans la foulée, quoi. Donc, il y a une histoire de tirer le 11 ou le 12. Voilà. Donc, alors, il y avait des numéros prédestinés, hein, des bons et des mauvais, quoi. Et là, dans les deux cas, les deux tirent un mauvais numéro, quoi. Alors, ce qui est surprenant, c'est que ceux qui tirent un mauvais numéro, en fait, ils fêtent ça, puisqu'ils vont acheter des tricoloriaux, hein. Et alors, cette tradition-là s'est maintenue après par le conseil de révision. Quand j'y ai passé le conseil de révision, on achetait encore des tricolores comme ça, quoi. Donc, il y avait des marchands. Hein. Il y a toujours les marchands du temple qui sont là pour faire un bénéfice là-dessus, quoi. Et donc, ils disent dans la chanson, enfin l'auteur dit, Nag peures de zenan, vigegue le fale, conscrit et carter maintenant, tricolorio gante, c'est-à-dire, pendant tout l'été, on voit se promener les conscrits, arborant leur tricolore, parce que en fait, ils ne sont enrôlés qu'au mois de novembre, octobre ou novembre. Hein. Donc, en fait, il y avait un laps de temps où les gens étaient conscrits sans être militaires. Et donc, c'était une période de fête un peu, quoi. Voilà, pendant tout ce temps-là, bah oui, parce qu'après, ils partaient, quoi, hein, faire leur service militaire. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que on pouvait, si on avait un mauvais numéro, on pouvait payer un remplaçant à sa place pour faire les 7 ans de service militaire. Il s'est maintenu une ségrégation parce que la noblesse donnait surtout des officiers, en fait. Les pauvres gens étaient soldats, soit à leur titre personnel, soit en remplaçant, et les bourgeois ne faisaient pas de service. Donc, en fait, de ce fait-là, c'était surtout des pauvres gens qui étaient enrôlés, au moins comme simples soldats, quoi. Et après, bon, ça a évolué, quoi, hein, vers une conscription plus large. Et voilà. Et donc, cette chanson-là est très intéressante parce qu'elle décrit très précisément ce qui s'était passé. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a pas mal de, dans toutes les régions de Bretagne, il y avait des chansons de conscrits comme ça. Voilà. Et ben, on va s'arrêter là-dessus. Et puis, peut-être qu'un jour, on en reparlera, hein, de ces chansons de conscrits. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps matin. Deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps matin. Oui, alors aujourd'hui, on va pas aller à Zantol. Là, j'avais envie de parler un petit peu des années 14, puisque là, on rentre dans l'année 2014, Bla Pevarzeg, hein. Et j'avais envie de parler un petit peu de... Alors, ce chiffre 14, en développé, c'est Pevarzeg, hein.

Alors en 1814, alors c'est marrant, hein, les grands chefs d'État de l'époque avaient coutume de tomber l'année 14. Il y a peut-être quelque chose de surprenant là-dedans. Hein. Par exemple, Napoléon abdiquait en 1814. Donc il y avait une habitude de fin de règne dans les années 14, comme ça. Alors il y a peut-être que ça nourrit Nostradamus, hein, voilà. Il y a une symbolique des chiffres, hein, qui. Alors la prochaine fois, on parlera, je ne vais pas en parler ce soir, mais on parlera de 1914. Bien sûr, là, il y aura quelques petites choses à dire aussi, quoi. Voilà, pour. Là, on est sorti un petit peu des sentiers de Zantol, mais il faut bien de temps en temps. On passe à la troisième partie de l'émission, Petra Znevierro. Troisième partie d'émission, Petra Zonévé, Avrouéry. Petra Zonévé, eh ben, Heurblat déjà. Plusieurs même chanches blat, un homme que tient, bah, blat, trisek, la guédon, bah, blat, pévarzek. C'est du, hadlar, blavesma, de nol chiloérien, de skipa yerkabé, ag, de nol du d'orvro. Plusieurs un déhel, moi, blar, de, blavesma, mais, homme, sans eau de l'art, blavesma, bétafine, misjen, va. Ah, c'est du, hadlar, de blavesma, ten dut. Comme son mon temps, et vel costume, vel qui sa costume, de ze l'arbre douar a gazui et war armez. Blanc me, à Warland et à Blanc me, ve comme ze calz de ze tilazan rostren. Un tilar au londe, hein, bon velan un abattoir en galak. Hag un tilazan ze wabe de zo berene de betak bremañ gant strolat parouz you kreiz breiz, ar CCKB. Ah, vraiment, RCCKB, un deux divise de Reine Larbe ou Reins de, d'Orstroladel. Ag, c'est tu vos aves d'Orstrolad, David, Oberwardro, Merere Zentilazan. Ag, zave de vos Estrolazeux, gant, zaverien Londe, gant, Tigerien, à Grand Tudel. Bon, quoi, le de vos, zé, pas d'or blamant. Bah, plus vagar, vite comme zon tombe de ze, trop liam, gant un doux arroise. Zo neubetud an eus an lak de sambles, vid plantan gwe-al, gwe-freuz, met de diantan gwe-aval eo. Ha setu gantez zo bet plant de gwe-aval eo de ze vro am, de ze wen ou ar vro, de la rade, da skwer renet gwengam a renet d'armorik, renet arvorik pe la rin mat. Hag bon, zezo dravad, hag freuz non tu gwerzen met... une plige de grande dute, grande kevridique, si ou à Bob Sort. Bon, nevesso, zobé de Gret, bah, Gwened, un delven, delven or holy. Bon, gouderet, bah, calagman, delven, naus, à bromba Gwened, zo Gret, au nom de vide holy. Hag, holy zo, à Joko, Je vois plus que les comme ce Joko. Joko wa gande baligno le browinet hag daulasso wa mar. Pudio wa seitegla. Hag a hez wa bagreizen blin. Hag wa greit te san impaler blin. Gal hag l'empereur de blin. Ya. Hag Joko zo ta de per han mil an noir. War ar bedol. Hag se bon eus bet kalz ver ed. Bon, setu, Joko. Hag zo roar an tamm pebler hein, zo bugal e de Joko. Ya, ya, oui war zi, mat. Bon, dans mon tamm war dach en an endro, vraiment. Ar gevridig eus dour a stereo, velar din gal hag aoe rivière de Bretagne, en eus divise d'abord de ze bla perzeg, bla de zon, bla e batrasianet. Batrasianet zo londet de se fami gliska, pe e ranet, bakar, bla se velar chignanet. Londet de se fami ze da skwer en tousegi zourde da bep sortrowet. A pa de bla vo gret diskweza degou prezegenou war londet se, war e batrasianet. Vichon montant, moi même stachen, neveso et bedim banle de niver en kan, de zor gelaouen la hulotte. Goudret pétare la hulotte, hein, ya. Or gelaouen a zo bratri, hag gomz de ze nature un drodim, hein, pas de ze nature ba broyopel, mais un drodim. Hag, gelaouen se zo bekrou de hugen lasso, hein, gant, spen de hugen lasso, mames, gant ar meskol, Pierre Deum, hag hez neus greit de hezo de ze nardenet, hag neus greit ur gelaou en zan, de diant an oa ke met an labour a warze, hag bon, a plijustre la hulot, bra ou tre, hag skeden ou zo bra ou tre. A hir e tout, tout un trao skrive de un tresaden ou tout, vije greit gantan. Bon, vichon mon oa on drael, oas, bromme zo degla oa et devons ur mor ur vag bugale breiz. Hag bremañ bon degla oa l'air vek gwar ap sa mod oa bekont gant ur vag ze. Pudur hez oa ur vag pesketa oa me mi oa enan de houls ba vroz de houls hag an de oa l'air a tout an du de l'ar e oa be de tapet gant ur vag spluch. Ah, l'istre spluj, da sous-marin in galak, hag bromen degla oa l'air avec gwar ap sa mod e bekont, pujan. Zuroar zo kalz e draou a zo kuet banaf ar ze. A zuroar, matrez en nevo ke gwar at gwej ebet pe sa mod oa bekont gant ur vag bugal e breiz. Bon, kalz e draou zo don o ton ba blav ez daou vil perzek, war am ketoun, me gout ar am on tamm deus pez vo, ne gomzin ket ar kalz deus kib mel droad ar bet, pe dur non ke gwal diden gant un afarz. Met bon, klev o trawar l'erhel. Bon, deus zin gomzin ket kalz. Obla votadeg ou evo, pe dur vo gred ba miz meurs, vo votadeg ou vid parouj, vo bon vid hanyo kuzuler, yen a kon... Meriou, bon, ar vo gwelet, pe sa mod vo kont, kleve komz deja an tamm, de se vot adegouz, der ne hat ka vo o gador, der en el heikuit, bop, sa mod vo gwet. Bon, a hendel vo vot adegou vid ba miz me, vid bro Europa. Hag ba miz me vo ive redadeg, vid an brezhonek, vel veget bep daoula. Hag... Ba miz me vo gret c'hoaz ur gwell vid un dreuz un gol, ba gron, level just, a tro a dro. Hag ur edadeg vo sambles gant gwell un dreuz un gol. Bon. Ba trelaze zo tos d'Angé, vo zer prestig un diouz an veun gleuz, oa din dan un douar bro vrans. Hag ur veun gleuz men glas oa. C'est une vauquetine mengeuse bête ba bro France. À gontan, moi, mameuse mode, ou à mameuse Puis là, battre l'Asie ou case bretonne, non? Case bretonne doit être la bourre à des noms. Avec quand votre famille ou des bretonnes se voit un trou à drôle danger énorme. Ag, y a vichon mon temps, moi, ma moustache, un balac, mon compte ma moustache, puis j'en ai ce que des, tchin, à part trugen là, les obétaines de hésen de ce lac, mais vraiment, y est chu. Ag, un diwa, farce, très lasé à lac, la carante, on de jonjal, le fait bémot, d'un dude, à le pénobras, dristol, comment jonjal, on tombe, un homme, genre de zone, puis j'en pv, au film, benet, que fait d'hermat, j'y pétra. Alizé que jonge drogue, hein, pis sa mot de vaugré ou à l'air. D'asquir, pivé comme de ze nulmen, pivé comme de ze hérosen, pis nulmen de vide irinige, bon, vaugré de vel ma bade faisé, par d'une éternité, à zur warm de vauquet. Mas un bardo qui tient pelle vers jonge. Bon, waranda chanel, dis rentrer, vége, pelarin mot, un du de son roi de canine, puis reso cosor en tombe, cosor vidor, hein, un de son mot de ce clé comme ce bon de Jean Robic. Jean Robic ou à peau de vélo, hein, ag, his wad grande da zavet ba radenak, zo ba brogouin radenak, ag, tape wa begantan ur mot de vide trop brohal, bla seis a dovigen, bla ou à l'air ou en grandet. Ak par de blavez ou hanter kant, vi j'ai clé d'Alise, allez, vas-y Robic, vas-y Robic. Jean Robic, ou on dit une bruit de tri, Brice. On tombe vers l'oie, lui, ils ont bobé. Hein. Ag, asin, zo begred, un troval, et vide, un inor de Jean Robic, bah, baradnak, hein. Au circuit, ma besoin, vi monteval, et ou à roue de Jean Robic. Quand Vlasso, c'est que de mis hoir Milo Hampers que wa grande Pierre Jacques Elias. Ag Pierre Jacques Elias au Hana en mode vide lever de scrive d'un Omar Lor scrive de Brezon de Gatro et grand temps Galac mais de Azewa de Babla Pemze Gatrugen ou de mes levers d'in dans Nang Galac le cheval d'orgueil mais Virion et ne se grette calze drouel. Calze drouel, scriveneuse, barzonné, goupé, johoari, à comme ne se ba radio, puis j'aurai, ou à l'air brezel, Jacques Scroren, ba radio, de Zul, à ses aux causes de cela que père Jacques Elias, Kayran ou à Pierre Elias. Sais-tu, bonne, quand de l'assaut, hein, ou à grande de, Pierre Jacques Elias, ba Pouldreuzic. Ag, zuroir, vos combes de 200 cales, blanc. Ag, lever ze zo bigwer, lever le cheval d'orgueil, puis marlor zo bigwer, spend 2 millions de cents. Ag, trop de bits, bah, cales de yezo et bits trop, hein. Bon. Cales de droit, ou fait bits de l'arroise, mais ma treizaine voleuse que l'on tombe vide en végèle. Ag, bon, c'est tu, la ronde d'art tient Norvégienne, hein, à vos combes de roise de Skalzedrau. Qu'est Norvégienne, Eri?